Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toute cette semaine, la fiction en public, en direct du Musée Calvet à Avignon. Ce soir, Goethe se meurt de Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt était programmé au début du Festival d'Avignon avec une mise en scène du Polonais Christian Lupa, c'était « Les arbres à abattre ». En écho à ce spectacle, nous avons voulu enregistrer ici, et nous l'avons fait, au Musée Calvet, le 11 juillet dernier, une lecture du dernier livre publié en France de Thomas Bernhardt, « Goethe se meurt », publié aux éditions Gallimard. Nous avons choisi trois récits parmi les quatre qui composent ce recueil, trois récits tous différents et complémentaires. Le principe étant toujours de mettre en cause ou en accusation pour Thomas Bernhardt, un auteur, une idole, c'est le cas par exemple pour Goethe, démolir aussi la famille inculte, barbare, obsédée par l'argent, démolir, détruire l'image d'un pays, l'Autriche. Ces trois récits sont interprétés par trois acteurs singuliers. Goethe se meurt, élu par Emmanuel Matt, Montaigne, un récit par Audrey Bonnet, et puis Parti en fumée, carnet de voyage pour un ami d'autrefois, par Nicolas Maury. La réalisation de cette soirée est signée par Alexandre Plan, qu'on retrouve tout de suite, le musée Calvet, Avignon. Bonne soirée sur France Culture. Du mein Sein und Werden, du meines Herzens erste Seligkeit. Ich liebe dich wie nichts auf dieser Erde. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit. Ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit. Ich denke, dein kann stets nur deiner denken. Nur deinem Glück ist dieses Herz geweiht. Wie Gott auch mag des Lebens Schicksal lenken, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit, ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit. Le matin du 22, Riemer m'avisa en vue de ma visite chez Goethe, fixée à 1h30, de parler d'une voix basse, mais pas trop non plus, à l'homme dont désormais on ne disait plus qu'une seule chose, qu'il était la plus grande figure nationale et même le plus illustre allemand de tous les temps, car tantôt, me dit Riemer, son oui était d'une acuité presque effrayante, tantôt il ne percevait presque plus rien. De sorte qu'on ne savait plus ce qu'il entendait ou non. Et bien qu'il fût, toujours selon Riemer, éminemment difficile de déterminer le volume sonore approprié pour s'adresser au génie, figé là sur son lit de mort, les yeux tournés vers la fenêtre, il était tout de même possible, moyennant une concentration extraordinaire des sens, de trouver pour cet entretien désormais fatalement attristant le juste milieu convenant précisément à cet esprit arrivé, comme tout le monde pouvait s'en convaincre, en bout de course. Lui-même, me dit Riemer, avait plusieurs fois parlé avec Goethe. deux fois en présence de Kreuter, que Goethe avait supplié de rester constamment à ses côtés jusqu'au moment ultime, mais aussi une fois tout seul, étant donné que Kreuter, apparemment indisposé par l'irruption de Rimmer dans la chambre de Goethe, avait subitement quitté celle-ci, sur quoi Goethe, me dit Rimmer, avait tout de suite commencé à lui parler, comme au bon vieux temps, du doutant et du non-doutant. Exactement comme au début du mois de mars, lorsque, toujours selon Rimmer, Goethe était en permanence revenu sur le sujet sans relâche et avec la plus grande concentration, après s'être exclusivement consacré fin février au Tractatus Logico Philosophicus et avoir de façon plus générale qualifié la pensée tout entière de Wittgenstein, de celle qui d'un coup se rapprocherait le plus de la sienne et même de celle qui venait prendre son relais, soulignant, toujours selon Rimmer, que sa pensée propre avait inexorablement fini par être recouverte, si ce n'est même complètement supplantée par la pensée wittgensteinienne, précisément au moment même où celle-ci avait atteint le stade décisif. Goethe s'était tant ému à cette idée qu'il avait fini par supplier Kreuter de faire venir Wittgenstein, d'aller le chercher en Angleterre et de le ramener à Weimar, coûte que coûte, était impossible. L'idée d'inviter Wittgenstein à Weimar était venue à l'esprit de Goethe dès fin février et pas seulement début mars, comme l'affirmait Kreuter. Et c'était encore Kreuter qui disait avoir appris d'Eckermann que ce dernier voulait à tout prix éviter cette visite de Wittgenstein à Weimar auprès de Goethe. Selon Kreuter, Eckermann avait tenu au sujet de Wittgenstein des propos tellement éhontés que Goethe avait intimé à Eckermann, me dit Rimmer, de ne pas prononcer un mot de plus au sujet de Wittgenstein, cet homme des plus admirables. Pour reprendre les termes exacts qu'il aurait employés, hein, Goethe aurait dit à Eckermann que les services qu'il avait rendus, lui, Eckermann, étaient désormais, en ce jour et en cette heure la plus triste de toute l'histoire de la philosophie allemande, nuls et non avenus. Et qu'en se livrant à cette bassesse consistant à discréditer Wittgenstein à ses yeux, il avait commis une faute impardonnable. Jamais il n'avait été déçu d'aussi douloureuse façon par quiconque. Plus jamais il ne voulait voir Eckermann. Ce « plus jamais » de Goethe avait encore résonné à maintes reprises longtemps, même après le départ d'Eckermann de la maison de Goethe, où effectivement on ne l'a plus jamais revu par la suite. Kreuter lui-même, poursuivit Rimmer, avait tenté à plusieurs reprises de détourner Goethe de l'idée de faire venir Wittgenstein à Weimar. Et d'ailleurs, personne ne pouvait être certain, avait dit Kreuter, que Wittgenstein accepterait vraiment de venir à Weimar, même à l'invitation de Goethe, le plus illustre des Allemands. Car la pensée de Wittgenstein, par sa nature même, remettait en cause toute certitude. Mais même Kreuter n'était pas parvenu, me dit Rimmer, à dissuader Goethe de faire venir Wittgenstein à Weimar. Un tel esprit n'est pas de ceux à qui l'on envoie des télégrammes. Il faut envoyer en Angleterre un émissaire en chair et en os. Avait dit Goethe à Kreuter, toujours selon Rimmer. Kreuter n'avait rien répondu. Et comme Goethe était résolu à rencontrer Wittgenstein en tête à tête, hein, dit Rimmer avec pathos, tout en soulignant qu'il ne faisait que reproduire le ton pathétique sur lequel Kreuter avait prononcé ses paroles, il avait finalement fallu que Kreuter, pour difficile que cela fût, se plia au souhait du grand homme. Deux heures plus tard, Kreuter s'était retrouvé à la gare et était parti. Alors, Rimmer avait de nouveau joui, hein, pour reprendre ses termes, de plus de temps auprès de Goethe, lequel lui avait fait de nombreuses confidences au sujet de Kreuter, mais aussi d'Eckermann et de bien d'autres qui jetaient sur eux une lumière guère flatteuse. Ainsi, Goethe s'était-il plaint auprès de Rimmer, dès le départ de Kreuter pour l'Angleterre, du fait que ce dernier l'avait toujours négligé. Kreuter était quelqu'un de bête, lui avait même dit Goethe à plusieurs reprises. Tandis qu'Eckermann était encore plus bête. Quant à Ernst August, hein, Il n'était pas, toujours selon Goethe, cité par Rimmer, le grand Ernst August pour lequel on le tenait désormais. Il était plus bête, avait dit Goethe, plus médiocre qu'on ne le pense. Ulrike aussi était bête, avait dit Goethe selon Rimmer. Madame von Stein et les cercles qui se réunissent autour d'elle aussi. Quant à Kleist, il l'avait anéanti, ce qui ne lui inspirait aucun remords. Goethe avait dit à Rimmer qu'il avait ruiné le théâtre national, lui, Goethe. Et d'ailleurs, il avait réduit à néant l'ensemble du théâtre allemand. Mais cela, avait dit Goethe, toujours selon Rimmer, les gens ne s'en rendront compte que dans 200 ans, au plus tôt. J'ai écrit ce qu'il y a de plus grand. Cela ne fait aucun doute. Mais c'est aussi de cette façon que j'ai tétanisé la littérature allemande pour quelques siècles. J'aurais été, mon cher, avait dit Goethe à Rimmer, le tétaniseur de la littérature allemande. Ils sont tous tombés dans le piège de mon Faust. En fin de compte, tout cela, pour grand que ce fût, n'a été qu'un déballage de mes sentiments les plus intimes. Avait dit Goethe, hein, toujours selon Rimmer. Hein. J'y ai mis un peu de tout, mais en rien je n'ai été véritablement supérieur. Rimmer avait cru que Goethe parlait de quelqu'un d'autre, hein, et non pas de lui-même, lorsqu'il avait dit « Voilà la façon dont j'ai mystifié les Allemands, qui certes ne demandent qu'à l'être, mais à quelle échelle tout de même ?» C'est ce qu'avait crié le grand homme, hein, toujours selon Rimmer, avant de se pencher l'air grave vers le portrait de Schiller, ornant sa table de chevet et de décréter « Je l'ai anéanti de toutes mes forces. Je l'ai détruit en connaissance de cause. Je l'ai d'abord débilité, puis anéanti. Le pauvre, quel égarement! Il me fait de la peine. Je plains les faibles qui ne peuvent pas se montrer à la hauteur de leur talent parce qu'ils n'ont pas le souffle nécessaire. » C'est ce qu'avait dit Goethe avant de observer un silence prolongé. Mais revenons à Wittgenstein. Kreuter était bel et bien, comme le relatait maintenant Rimmer, parvenu jusqu'à Wittgenstein. Or, ce dernier était mort d'un cancer la veille de son arrivée. Kreuter, toujours d'après Rimmer, n'avait pu voir Wittgenstein que dans le cercueil où il était exposé et décharné, les joues creuses. Dans l'entourage de Wittgenstein, avait rapporté Kreuter, personne n'avait entendu parler de Goethe. Alors Kreuter était reparti, découragé. La grande question qui se pose désormais, me dit Rimmer, c'est de savoir s'il fallait faire part à Goethe de la mort de Wittgenstein ou non. C'est justement maintenant, lui dis-je à Rimmer, nous longions la maison de Schiller et nous étions sur le chemin du retour vers Goethe mourant, c'est justement maintenant que j'aurais dû aller chercher Wittgenstein à la gare. Rimmer regarda sa montre, alors que pour ma part, j'aurais voulu poursuivre. Personne, mis à part Goethe, n'appelait plus ardemment de ses voeux la visite de Wittgenstein à Weimar. Pour moi aussi, c'eût été le point culminant de mon existence. Même si Wittgenstein et Goethe s'étaient contentés, debout ou assis, l'un en face de l'autre, de se regarder en silence, ne fût-ce que quelques instants, c'eût été le plus beau moment auquel je puisse imaginer assister. Rimmer dit que Goethe a placé le Tractatus au-dessus de son Faust. Et même au-dessus de tout ce qu'il a pu écrire et penser. Lorsque la veille de sa mort poursuivit Rimmer, c'est-à-dire le 21, il est entré dans la chambre de Goethe et il avait aperçu, à sa grande surprise, debout près du lit de Goethe où il était étendu, la tête reposant sur quatre coussinets brodés par Ulrike, comme pour anticiper la présentation publique qu'on allait donner du mort, nul autre que Kreuter, qui semblait signifier à Goethe, en levant sa main droite légèrement difforme et en tendant de façon proprement fanatique et avec une brutalité effrayante trois doigts vers le grand homme, qu'il ne lui restait que trois jours à vivre et pas un de plus, ce en quoi Kreuter, en fin de compte, s'était trompé. Goethe, déjà très affaibli, avait toujours, selon Rimmer, regardé à travers la fenêtre en direction du jardin. Oh, Wittgenstein, Wittgenstein, tandis que lui, Rimmer, était resté tout le temps dans l'embrasure de la chambre gothéenne. Oui, il n'avait pas eu la force de dire à Goethe que Wittgenstein ne viendrait pas, continua Rimmer, Kreuter aussi bien se garder de communiquer l'affreuse nouvelle à Goethe. Hein. Jamais aucun d'eux n'aurait osé lui dire que Wittgenstein était déjà mort. Et bien que Goethe fut un illustre inconnu pour l'entourage de Wittgenstein, Kreuter avait, afin de ménager Goethe, répondu plusieurs fois aux questions dont il pressait. Oh, oh Goethe est connu de tous, sans exception. À chacune de ses réponses, Goethe avait paru très heureux. Goethe n'avait pas remarqué d'emblée la présence de Riemer au seuil de sa chambre et avait dit très calmement à Kreuter que tout compte fait, de toutes les personnes qu'il avait rencontrées au cours de sa vie, il ne souhaitait entre tous que la présence d'un seul être à son chevet, en l'occurrence, Eckermann. Hein, ce qui naturellement nous surprit beaucoup, Kreuter et moi, me dit Riemer, au nom d'Eckermann que Goethe d'un seul coup avait prononcé avec le plus grand calme, Kreuter avait sursauté et tourné le dos à Goethe. Quant à moi, poursuivit Riemer, j'ai émis cette remarque sur le compte de la perte graduelle de ses facultés mentales. Kreuter, n'est-ce pas Riemer que je vois là ? C'était alors exclamé Goethe, lançant un regard vers moi, dit Riemer, mais différent de son regard habituel. Pour moi, il ne faisait aucun doute que ce 22 mars serait le dernier jour que vivrait Goethe. 8 jours s'étaient écoulés depuis la mort de Wittgenstein, et maintenant c'est son tour, me suis-je dit. Kreuter m'a avoué plus tard, continua Riemer, que lui aussi avait eu la même pensée au même moment. Ensuite, Kreuter avait appliqué une serviette de lin imprégnée d'eau froide sur le front de Goethe avec cette théâtralité répugnante, dit Riemer, qui caractérise Kreuter et Eckermann aussi, tiens d'ailleurs. Sur quoi, toujours selon Riemer, Goethe avait dit qu'en faisant en sorte de devenir le grand homme qu'il était désormais, il avait anéanti tous ceux qui l'entouraient de près ou de loin. En vérité, bien loin de rehausser l'Allemagne, il l'avait anéanti. Mais le monde était aveugle à cette idée. Lui, Goethe, avait appâté l'ensemble des Allemands uniquement pour les détruire un à un, pour les plonger dans le malheur le plus profond, de façon systématique. Les Allemands me vénèrent alors que je leur nuis comme personne et pour des siècles. Kreuter certifie que Goethe a prononcé ces paroles le plus tranquillement du monde. Il avait eu l'impression permanente, poursuivit Riemer, que Goethe s'était choisi pour ultime garde-malade un acteur du Théâtre National en la personne de Kreuter auquel il s'était lié sur la fin. Il avait pensé, en voyant Kreuter relever un peu la main de Goethe pour la placer un peu plus haut sur la couverture, hein, cédant à sa propre tendance à l'esthétisation, mais pas au point de joindre complètement les mains de Goethe comme pour un morse que même lui, Kreuter, aurait forcément trouvé de mauvais goût. En voyant Kreuter aller jusqu'à essuyer avec un mouchoir une goutte de sueur qui perlait au front de Goethe, mettant au jour un empressement proprement repoussant qui visait forcément à l'atteindre lui, Riemer, si ce n'est à le blesser mortellement. Enfin bref, il avait pensé que finalement, quelqu'un d'aussi dépravé que Kreuter correspondait parfaitement à un esprit comme Goethe, que nous sommes bien obligés de tenir pour grand, voire pour le plus grand de tous. Dans la mesure où c'est précisément par la rencontre avec un génie en fin de parcours comme Goethe que la bassesse et la charlatanerie de Kreuter pouvaient s'exacerber de la plus éclatante manière jusqu'au degré le plus extrême de la trahison à Sina Riemer. Lorsque Goethe avait fini par mourir le 22 mars précisément, je m'étais dit quelle coïncidence que Goethe eût invité Wittgenstein à Weimar justement ce jour-là. Quel signe du destin! Le doutant et le non-doutant. Voilà ce qu'avaient été, paraît-il, les avant-dernières paroles de Goethe. Autrement dit, une citation de Wittgenstein. Puis, il avait prononcé ce qui allait devenir son mot le plus célèbre, clarté grandiose. Or, en réalité, les tout derniers mots de Goethe n'ont pas été clarté grandiose, mais j'en ai ma dose. Seuls Riemer et moi et Kreuter étions présents. Nous trois, nous nous sommes mis d'accord pour annoncer au monde que les dernières paroles de Goethe avaient été clarté, grandiose et non « j'en ai ma dose ». Ce mensonge, cette falsification dont Riemer et Kreuter ne se sont jamais remis jusqu'à en mourir il y a longtemps déjà. J'en souffre encore aujourd'hui. Famille, c'est-à-dire mes persécuteurs, je me réfugiais dans un coin de la tour, emportant avec moi, sans avoir allumé la lumière et donc sans avoir déchaîné contre moi la fureur des moustiques, un livre de la bibliothèque qui, lorsque j'en eus lu quelques phrases, s'avéra être de Montaigne, avec qui j'entretiens des affinités plus profondes et particulièrement éclairantes qu'avec nul autre. Sur le chemin de la tour, j'avais, comme si ce geste était le seul et l'unique qui pouvait me sauver, tiré un livre des rayons de la bibliothèque, plongé dans l'obscurité la plus totale, sans la moindre idée de quel livre il pouvait bien s'agir. Sinon que je me disais qu'il s'agissait sans doute d'un livre philosophique, dans la mesure où les miens, depuis des siècles, avaient pour coutume d'entasser du côté gauche de la bibliothèque les livres qu'on appelle philosophiques, et c'est donc en parfaite connaissance de cause que je ne m'étais pas servi à droite de la bibliothèque, du côté des belles lettres, comme on dit, mais du côté gauche de la bibliothèque. Même si lorsque j'avais tiré l'ouvrage du côté gauche, je n'avais pas pu deviner de quel livre philosophique au juste il s'agissait, car naturellement j'aurais pu tout aussi bien tomber sur un autre livre que celui de Montaigne, sur Descartes ou Novalis ou Schopenhauer. Comme cela faisait une éternité que personne n'avait parcouru le chemin menant de la bibliothèque à la tour, ma tête fut rapidement recouverte de centaines de toiles d'araignées, de sorte qu'au bout d'un moment, avant même d'avoir atteint la tour, j'eus l'impression d'être coiffée d'un véritable bonnet en toile d'araignée. J'avais même eu du mal à respirer. À ma peur d'étouffer, dont je souffrais depuis tant d'années déjà, en raison d'une maladie qui avait affaibli mes poumons, s'en ajoutait une autre, plus terrible encore, due aux toiles d'araignée enroulées autour de ma tête. Tout l'après-midi, les miens m'avaient tourmenté de leurs petites affaires et m'avaient reproché en me noyant sous un flot de paroles ou, à l'inverse, en observant un silence obstiné sur des sujets qui, pourtant, auraient mérité d'être abordés, d'être la cause de leur malheur. J'avais, disait-il, pris le parti de m'opposer systématiquement à eux et à leur monde, à leurs affaires et à leur façon de penser, qui pourtant était la même que la mienne. Il disait que je m'étais fait une habitude de désagréger leur mode de penser, de les tourner en dérision, de les détruire et de les tuer. Que je concentrais toute mon énergie à les désagréger et à les détruire et à les tuer. Jour et nuit, je ne ressassais rien d'autre et je consacrais tout mon temps disponible, disait-il, à m'en prendre à eux. Ce n'était donc pas moi le malade et le faible, disait-il, mais eux. C'était sur eux que j'exerçais ma domination et non l'inverse. Or, ce refrain, je le connais depuis que je suis née. Dès ma naissance, je m'étais montrée hostile à leur égard. Avant même de savoir parler, je leur avais opposé mon regard pénétrant d'enfant méchant, mon être tout entier dans sa monstruosité perfide. Ils avaient été ébranlés par mon tout premier regard, car ils y avaient déjà lu toute mon hostilité. Instinctivement, disaient-ils, tout en moi s'était tourné contre eux dès les premiers instants. Avec une hostilité de plus en plus affirmée et virulente à mesure que se développait ma raison. J'étais leur annihilateur, avait-il encore répété aujourd'hui, alors que je passe mon temps à leur faire comprendre que ce sont eux mes annihilateurs, qu'ils œuvrent à mon anéantissement depuis le moment de ma conception. Ils m'avaient fait naître et entrer dans une si belle région et une si belle maison, me disait-il en permanence, et moi je ne faisais que les tourner en dérision et les mépriser en permanence. Tout ce que je disais était empli de cette dérision et de ce mépris qui un jour allait les achever. Mais je pense que c'est moi, au contraire, que leur dérision et leur mépris achèveront un jour. Sur le chemin qui me menait de la bibliothèque à la tour, je me dis que je n'étais pas parvenue à leur échapper depuis 42 ans, alors que je n'avais rien eu d'autre en tête durant les 42 années de ma vie que leur échapper. Me soustraire à eux n'a jamais été possible, même pour une période très brève. Car une telle entreprise ne pouvait jamais être qu'illusoire, sans même parler d'une libération véritable à laquelle je n'ose même plus songer. J'étais allée à la bibliothèque et j'avais tiré de ses rayons un livre philosophique en ayant pleinement conscience de commettre un crime. Car à leurs yeux, le simple fait de pénétrer dans la bibliothèque était un crime. Sans même parler du crime bien plus grave encore consistant à extraire un livre philosophique de ses rayons, sachant que, à leurs yeux, le simple fait de me soustraire à eux en constituait déjà un. Ils disaient qu'ils avaient acheté une maison à Enknar pour l'agrandir, puis dans un an la revendre 10 fois son prix, qu'ils avaient réuni 2 exploitations agricoles en une près de Rootson Moss, dégageant un profit de 30 millions en un tour de main. Nous devons agir au moment où les faibles sont les plus affaiblis, disait-il à table, nous devons venir à bout des rusés par des ruses encore plus implacables, par une perfidie encore plus perfide. Il ne parlait pas directement de ses affaires, seulement de façon indirecte, même lorsqu'ils évoquaient des sujets qu'ils considéraient comme philosophiques, comme la solitude chez Schopenhauer, qu'ils ont certes, comme j'ai pu m'en rendre compte, lu entièrement, mais pas du tout compris. Ils ne faisaient au fond que parler de leurs petites affaires, de la façon d'abuser les rusés par des ruses plus grandes encore. Ils avalaient leur soupe et prenaient la défense d'un chien qui avait mordu un passant, mais même à travers ces hypocrites évocations canines, ils ne faisaient que parler de leurs petites affaires. Mes parents et mes frères et sœurs ont toujours été d'accord entre eux pour se liguer contre tout et contre moi. Nous t'avons toujours aimé, ont redit mes parents encore aujourd'hui, et mes frères et sœurs les ont regardés et écoutés sans les contredire. Tandis que je pensais que, tout au long de leur vie, ils n'avaient fait que me haïr, tout comme moi je les ai haïs depuis le début, s'il s'agit de regarder en face la vérité et de la dire au lieu de mentir, ce à quoi je me refuse depuis longtemps déjà. Après tout, nous disons bien que nous aimons nos parents, alors qu'en réalité nous les haïssons. Car nous ne pouvons pas aimer nos géniteurs, dans la mesure où nous ne sommes pas des êtres heureux. Notre malheur n'est pas illusoire, comme le bonheur, dont nous nous persuadons chaque jour afin d'avoir le courage de nous lever, de nous habiller, de nous laver, de boire la première gorgée, d'avaler le premier morceau de la journée. Car tous les matins, nous sommes obligés de nous rappeler que nous sommes le fruit de la terrible démesure de nos parents. qui nous ont engendrés dans une véritable mégalomanie procréatrice, nous jetant dans ce monde toujours plus atroce et répugnant que réjouissant et utile. Nous devons notre désarroi à nos géniteurs, notre impuissance, toutes les difficultés auxquelles, jusqu'à la fin de nos jours, nous sommes incapables de faire face. D'abord, on avait dit « ne bois pas cette eau, elle est empoisonnée ». Ensuite, on avait dit « ne lis pas ce livre, il est empoisonné ». Si tu bois de cette eau, tu en périras, disait-il. Et puis, si tu lis ce livre, tu en périras. Il t'emmenait dans les forêts, t'entreposait dans d'obscures chambres d'enfants afin de te perturber. Ils t'ont jeté dans des écoles comme dans des cachots. Ils ont fini par t'arracher ton âme pour la laisser dépérir dans leur bourbier, leur désolation. Ainsi, très tôt, ils ont fait perdre à ton cœur la cadence qui lui était propre, jusqu'à le rendre irréversiblement, comme disent les médecins malades, parce qu'ils n'ont jamais voulu lui accorder un moment de répit à ce cœur qui est le tien. Ils t'ont vêtu d'habits verts lorsque tu voulais en mettre des rouges, d'habits d'été lorsqu'il aurait fallu ceux d'hiver. Quand tu voulais marcher, ils t'obligeaient à courir. Quand tu voulais courir, ils t'obligeaient à marcher. Quand tu voulais la paix, ils ne te l'ont pas laissé. Quand tu voulais crier, ils t'ont bâillonné. Tu les as toujours observés. Aussi loin que tu puisses te souvenir, tu as perçu et étudié leur duplicité. Et tu leur as toujours répété qu'ils étaient condamnés. Ce dont ils ne voulaient pas prendre conscience, même s'ils savaient pertinemment qu'ils étaient condamnés pendant tout ce temps où je les ai observés jusqu'à aujourd'hui. Qu'ils étaient, quoi qu'ils en disent, des êtres sans gêne, sans scrupules, extrêmement dangereux. Ils m'accusaient alors en quelque sorte de dire la vérité. Mais si je leur disais de temps en temps qu'ils étaient beaux, intelligents, ce qui était aussi la vérité, ils m'accusaient de mentir. Je peux dire ce que je veux, ils me reprochent soit la vérité, soit le mensonge. Et souvent, ils ne savent plus très bien eux-mêmes s'ils sont en train de m'accuser de la vérité ou du mensonge. Tout comme moi-même, souvent, je ne sais plus très bien si je suis en train de les accuser du mensonge ou de la vérité. Parce que dans mon mécanisme accusatoire, qui entre-temps a dégénéré en maladie accusatoire, je ne peux plus distinguer s'il s'agit de vérité ou de mensonge. Pas plus qu'eux ne peuvent le distinguer chez moi. Si, autrefois, j'avais une peur mortelle, en prenant un carré de sucre dans le sucrier de la salle à manger, j'ai aujourd'hui une peur mortelle de prendre un livre dans la bibliothèque, et une peur plus fatale encore si de surcroît il s'agit d'un livre philosophique, comme hier soir. J'ai toujours aimé Montaigne, comme personne. Toujours, je me suis réfugiée auprès de mon Montaigne, lorsque j'éprouvais cette peur mortelle. J'ai laissé Montaigne me guider et me conduire, me mener et me séduire. Montaigne a toujours été mon sauveur et mon secours. Je n'ai jamais eu ni père ni mère. J'ai toujours eu mon Montaigne. Mes géniteurs, que je ne serais qualifié de père et de mère, m'ont rejeté dès l'origine. Et j'ai tôt fait de tirer les conséquences de ce rejet, me réfugiant tout droit dans les bras de mon Montaigne. Voilà la vérité. Montaigne, me suis-je toujours dit, est à la tête d'une famille philosophique extraordinairement prolifique. Mais jamais je n'ai aimé les membres de cette famille philosophique autant que son chef, mon cher Montaigne. Tout ce que je voulais, dans la bibliothèque, plongée dans l'obscurité pour ne pas attirer les moustiques sur mon chemin vers la tour, c'était me raccrocher à l'un de ces membres de cette famille philosophique française, après m'être libérée de l'étreinte des miens. Tout au long de ma vie, j'ai dû rester auprès d'eux, j'ai été livrée à eux à cause de ma maladie. Rarement, j'ai pu faire plus de 100 pas hors de leur présence, ce qu'il faudrait bien qualifier de traumatisant, si un tel terme ne me faisait horreur. Tout en eux, et avec moi, devrait être qualifié de traumatisant si je n'avais ce terme en horreur comme rien au monde. D'abord, ils m'avaient rendu dépendant d'eux. Puis, ils m'avaient reproché cette dépendance, à perpétuité. Et ce, dès l'instant où je n'avais plus été capable de m'affranchir de cette dépendance vis-à-vis d'eux. Qui m'était devenu naturel, effroyablement naturel. J'ai dû, à partir d'un certain moment, me rendre à l'évidence qu'avec eux, il n'y avait pas d'autre possibilité. Les miens avaient compris trop tard qu'ils n'avaient engendré nul autre que leur destructeur et annihilateur. Moi, je l'ai compris, alors qu'il était trop tard pour pouvoir comprendre. Combien de fois ont-ils dit qu'ils me préféreraient un chien ? Car un chien veillerait sur eux et leur coûterait moins cher que moi, qui ne fait que les observer et les railler et les désagréger et les détruire et les anéantir. Si tu vas au puits, nous te battrons à mort, m'avait-il dit quand j'avais 4 ou 5 ans. Si tu vas dans la bibliothèque, tu verras bien ce qui t'arrivera, m'avait-il dit, ce qui ne voulait rien dire d'autre que là aussi, ils me battraient à mort, de sorte qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, je ne suis allée au puits qu'en secret. et qu'à l'âge adulte, je ne suis jamais allée, pour ainsi dire, que secrètement dans la bibliothèque. Il m'avait toujours fait comprendre qu'en m'approchant du puits, je risquais de perdre l'équilibre et d'être précipitée, comme on dit, irrémédiablement. Et il m'avait toujours fait comprendre aussi que dans la bibliothèque, et plus précisément au contact de certains livres, même s'il ne les qualifiait pas explicitement de philosophiques, j'allais perdre l'équilibre et être irrémédiablement précipitée, irrémédiablement. De même que la première fois, il y a 4 ou 5 ans, je ne suis allée dans la bibliothèque qu'en secret, transie de froid jusqu'au fond de mon âme. Aujourd'hui, encore, malgré les années, je ne vais dans la bibliothèque que secrètement, dans leur dos en quelque sorte. J'ai chaque fois l'impression d'entrer dans un piège, parce qu'ils m'ont toujours dit ou fait comprendre que la bibliothèque était pour moi un piège, tout comme le puits. J'ai 42 ans et j'entre dans la bibliothèque comme dans un piège. Le piège va se refermer, avait-il dit la première fois où j'étais allée dans la bibliothèque. Chaque fois que j'entre dans la bibliothèque, je me dis que le piège va se refermer. J'aurais pu tomber sur Descartes, me dis-je, ou sur Pascal. Mon Dieu, me dis-je, comme j'aime tous ces philosophes. Je les aime comme rien au monde. Mais je suis tombée sur Montaigne, mon Montaigne, que je chéris par-dessus tout. Je me suis assise dans le coin le plus reculé de la tour. J'ai lu sans m'arrêter et j'aurais pu pleurer de bonheur si je n'avais depuis longtemps anéanti en moi la possibilité insensée d'un tel abandon merveilleux en me disant « Si oubliant toute retenue, nous pleurons toutes les larmes de notre corps sans nous voir et nous examiner à cette occasion, nous ne faisons que nous ridiculiser davantage encore. Et donc, je me suis contentée de me voir pleurer toutes les larmes de mon corps et de m'examiner à cette occasion sans réellement pleurer toutes les larmes de mon corps. » Derrière les volets clos, j'ai lu mon Montaigne de façon tout à fait décousue, car il était très difficile de lire sans lumière, jusqu'à la phrase « Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé ». Cette phrase n'était pas de Montaigne, c'était ce que répétaient les miens qui, au pied de la tour, allaient et venaient en me cherchant. Vous savez, je suis en fuite depuis déjà plus de 4 mois, non en direction du sud, comme je vous l'avais d'abord laissé entendre, mais du nord. En fin de compte, ce n'est pas la chaleur qui m'a attirée, mais le froid. Pas l'architecture, mon cher architecte et bâtisseur, mais la nature, et plus singulièrement cette nature nordique dont je vous ai si longtemps parlé. Cette nature subpolaire, comme on dit, au sujet de laquelle j'avais écrit un ouvrage il y a 30 ans déjà. Un de ces ouvrages clandestins, de ces ouvrages cachés qui ne sont pas destinés à être publiés, seulement à être détruits. Parce que j'envisage désormais de continuer à vivre, non seulement de prolonger mon existence, cher architecte, cher bâtisseur, cher charlatan des surfaces, mais de poursuivre mon chemin de la façon la plus débridée qui soit. Je compte donc, en quelque sorte, marquer secrètement mon époque, subrepticement, si l'on peut dire, oui, cher monsieur. D'abord, j'avais pensé que je ne vous écrirais plus jamais, en aucune circonstance. Dans la mesure où notre relation me paraît depuis tant d'années déjà complètement, irrémédiablement épuisée, enfin, surtout sur un plan intellectuel, j'avais prévu de ne plus jamais entrer en contact avec vous et donc de ne plus envoyer jamais la moindre ligne. Chaque ligne supplémentaire à votre intention m'apparaît depuis si longtemps déjà comme une ineptie totale, adressée à un homme qui, jadis, a été un ami, un compagnon de route intellectuel, mais qui s'est finalement mué en ennemi. L'ennemi de mes pensées et de mon mode de pensée tout entier. En ennemi de mon existence même, qui n'est au bout du compte qu'une existence toute intellectuelle. Je vous avais écrit plusieurs lettres à Vienne et à Madrid et puis à Budapest et à Palerme. Je les avais cachetées et même timbrées, mais je ne les ai pas envoyées pour ne pas sacrifier une faute de goût impardonnable. J'ai détruit ces lettres et je me suis juré de ne plus jamais vous écrire la moindre ligne à vous comme à tous les autres. Je ne me suis plus autorisé la moindre correspondance. J'ai donc parcouru l'Europe et l'Amérique du Nord durant plusieurs années, peut-être dans une sorte d'inutile folie, comme vous diriez, sans contact, sans correspondance, parce que mon désir de communiquer s'était étiolé à force de le réprimer en moi depuis tant d'années. Je suis, pour ainsi dire, retourné en moi-même. Elle ne faisait plus rien pour en sortir. Mais je ne peux pas dire que cette période ait été inféconde pour moi. En un mot, j'ai écrit plusieurs articles pour le Times qui, naturellement, n'ont pas été publiés parce que je ne les ai pas envoyés au Times après avoir échoué à Oslo dans tous les sens du terme. Oslo est une ville ennuyeuse. Les gens, ils sont totalement dénués d'esprit et totalement inintéressants, enfin, comme la plupart des Norvégiens, ce dont j'ai toutefois fait l'expérience beaucoup plus tard, après être parvenue à la hauteur de Mourmansk. La seule chose que j'ai découverte en Norvège, c'est une race de chiens totalement méconnue en Europe centrale, le Schaufer. À part ça, la nourriture est mauvaise et le sens artistique des Norvégiens est absolument déplorable. C'est un pays strictement dépourvu de tout esprit philosophique où la moindre pensée est condamnée à se racornir dans les plus brefs délais. J'ai tenté ma chance dans une maison de Mosgène, maison de retraite, une petite ville remplie de pauvres gens qui trompent leur ennui en jouant du piano. Apparemment, une famille de Mosgène sur deux possède un piano. J'en ai moi-même fait la douloureuse expérience. Dans une maison où j'ai passé, enfin, je devrais peut-être dire survécu, à la première nuit, il y avait là un piano à queue Bösendorfer, tellement désaccordé que même la musique la plus galvaudée qui soit, par exemple celle de Schubert, devenait intéressante lorsqu'on l'a jouée dessus. Avec leur piano désaccordé, les gens de Mosgène ont réussi plus ou moins spontanément à se procurer, me semble-t-il, un aperçu de ce qu'on appelle la musique contemporaine, même si naturellement ils n'ont aucune idée de quoi il s'agit au juste. Or, ce ne sont pas mes expériences de voyage norvégiennes qui m'ont privé de presque tout espoir quant à un futur possible et se sont réduites à un simple décompte de bonnets, de fourrures, de pantoufles et de bottes de feutre, et comme j'ai déjà dit, à la découverte de la façon la plus perverse qui soit de jouer du piano qui me pousse à vous écrire ces lignes. J'ai fait un rêve, et comme je sais que vous les collectionnez, je ne vais pas vous priver de ce rêve que j'ai fait à Rotterdam, car je suis, comme vous savez, un défenseur et un partisan inconditionnel des sciences, et particulièrement de la vôtre, de sorte que je vais faire abstraction du refroidissement total de nos relations et vous narrer ce rêve que j'ai fait à Rotterdam. Après avoir quitté Oslo, m'être arrêté quelque temps à Lübeck, à Kiel, à Hambourg, et avoir fait aussi, durant quelques semaines, un court séjour dans l'atroce ville de Bruges, où tout comme en Norvège, j'ai tenté ma chance mais en tant qu'aide-soignant, mais cette fois-ci dans une maison d'aliénés. Un rêve, donc, que non seulement j'ai fait, mais dont je me suis souvenu, car comme vous savez, j'ai beau faire des rêves toutes les nuits, j'arrive pas d'ordinaire à me les rappeler, que les rêves que j'ai faits et dont je me souviens sont rares. Comme vous savez, j'ai fui l'Autriche depuis bon nombre d'années à la recherche d'un endroit meilleur que l'Autriche et ne souhaite à aucun prix y retourner. Voilà mon état d'esprit, à moins bien sûr qu'on m'y contraigne par force. C'est pourquoi je voyage, ou plutôt erre depuis plusieurs années à travers l'Europe, mais aussi, comme vous savez, à travers l'Amérique du Nord, dans l'intention de trouver un endroit pour réaliser mes projets, plus précisément mes projets philosophico-existentiels dont je vous ai si souvent, si longtemps parlé dans le Tyrol italien, notamment sur la plaine du Renon. Je voulais éviter à tout prix de devenir une cervelle oxfordienne ou cambridgienne, et force-toi de te tenir à distance de toute université, quelle qu'elle soit, me suis-je sans cesse répété au cours des dernières années. Et comme vous savez, je me refuse depuis des années à tout livre au contenu universitaire. J'évite la philosophie autant que faire se peut. J'évite la littérature. Enfin, pareil pour toutes les lectures, par peur que ces lectures, justement, me rendent fou allié et finissent par me tuer à petit feu. D'où d'ailleurs mes difficultés à me déplacer en Europe et en Amérique du Nord. J'ai toujours eu une peur, un signe de l'Asie. Et d'ailleurs, mon voyage en Inde s'était terminé dans un fiasco total. Comme vous savez, dans la mesure où, comme vous savez, je suis de constitution fragile. Et l'Amérique latine est devenue très à la mode, ce qui me répugne. Toute l'Europe s'y précipite sous couvert de solidarité, hein, sociale et socialiste, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un avatar abject de la fêterie chrétienne, sociale, européenne. Les Européens s'ennuient à périr et n'ont de cesse, à seule fin d'échapper à ce mortel ennui européen, de se mettre et de se mêler à tout instant, en tout lieu, des affaires de ce qu'on appelle le tiers-monde. Ce côté missionnaire est l'un des vices allemands qui, à ce jour, n'a causé que des malheurs, plongeant sans cesse le monde dans de nouvelles crises. Avec son répugnant bon Dieu, l'Église a déjà empoisonné l'Afrique, désormais elle empoisonne Amérique latine. L'Église catholique est l'empoisonneuse, la destructrice, l'annihilatrice du monde. Voilà la vérité. Et l'Allemand, en tant que tel, empoisonne sans cesse le monde. Et au-delà des frontières de son pays, il ne se tiendra tranquille que lorsque le monde sera mortellement empoisonné. Pour ma part, moi qui ne me suis jamais laissé aller à ce genre d'aberration qui consiste à aider les gens en Afrique, je me suis entièrement replié sur moi-même. Il n'y a rien à faire pour aider les gens dans ce monde qui, depuis des siècles, est rempli d'hypocrisie. On ne peut aider ni le monde, ni les gens, parce qu'ils sont fondamentalement constitués d'hypocrisie. Mais vous êtes habitués à ce refrain, à part. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Le fait est que je ne vous écris que pour vous faire part de ce dont j'ai rêvé hier, parce que ça vous sera utile, je pense. J'ai rêvé de l'Autriche de manière aussi intense parce que je m'en suis enfui. J'ai fui ce pays qui est le plus laid, le plus ridicule du monde. Tout ce que les habitants de ce pays ont toujours trouvé beau et admirable n'était plus que laid, ridicule, et à vrai dire, repoussant. J'ai pas trouvé le moindre aspect de ce pays qui pourrait passer ne serait-ce que pour tolérable. Je voyais mon pays comme un désert morne et perverti où règne l'abrutissement le plus effroyable. Des villes atrocement mutilées, des paysages repoussants. Et dans ces villes mutilées, ces paysages repoussants, les habitants, villes, sournois, hypocrite. Il était impossible de déterminer ce qui au juste mutilait ces villes, flétrissait ces paysages, rendait les gens civils et sournois. Le paysage était aussi avide que les habitants, aussi mutilé, aussi sournois. Tout et le reste était tellement repoussant, la plus mortelle des manières, faut que vous le sachiez. Les gens que je croisais avaient des faces grimaçantes en guise de visage. Lorsque j'ouvrais le journal, la bêtise et la vilenie que j'y lisais me donnaient la nausée. Tout ce que je voyais, entendais, tout ce que j'étais obligé de percevoir me faisait vomir. Et j'ai été condamné à voir, à entendre pendant des semaines cette Autriche infecte. Sachez-le bien. Jusqu'à me retrouver, à force de voir et d'entendre tant de choses mortelles, amaigries jusqu'à l'os. Par rejet de cette Autriche, j'avais plus été en mesure d'avaler la moindre bouchée, la moindre gorgée. Où que je regardais, je voyais que laideur et vilenie. Une nature laide, fausse, vile. Des gens laid, vil, faux. Je voyais que la saleté, la vilenie et la sournoiserie absolue, ces gens. Et ne croyez pas que j'ai vu uniquement le gouvernement, comme on dit, ou uniquement les classes supérieures du pays. Tout en Autriche m'apparaissait soudainement comme ce qu'il y a de plus laid, plus bête, de plus répugnant. Profondément abîmé, comme vous le formuleriez sans doute. J'ai fini par m'asseoir. Après avoir traversé à plusieurs reprises, et je le précise avec la précipitation qui me caractérise, cette Autriche, laide, vile et bête, sur une roche sédimentaire, au sommet de la colline du Hansberg, d'où il m'était possible de contempler la ville de Salzbourg, totalement abrutie sous l'effet de ses habitants, totalement ruinée par vos collègues, messieurs les architectes, et mijotant malgré tout, encore, dans sa perverse folie des grandeurs. Qu'ont donc fait les Autrichiens en à peine 40 ou 50 ans de ce joyau de l'Europe, me demandai-je, assis sur ma roche sédimentaire. Ils en ont fait une abomination architecturale, où les Salzbourgeois, antisémites et xénophobes catholiques et nationaux socialistes, couraient en tous sens, vêtus de leur épouvantable tenue traditionnelle en cuir, en loden. Sur ma roche sédimentaire, en haut du Hansberg, près de Salzbourg, j'ai dû finir, monsieur, par m'assoupir, épuisé par le monde, comme on pourrait dire. Car tout à coup, je me suis réveillé sur une autre colline, le Kahlenberg, près de Vienne. Et devinez, mon cher architecte et bâtisseur, ce que j'ai vu depuis le Kahlenberg, une fois réveillé. Pas depuis une roche sédimentaire, comme sur le Hansberg près de Salzbourg, mais assis sur un banc en bois vermoulu, en haut de la Himmelstrasse, j'ai vu toute cette Autriche repoussante, qui désormais ne dégageait plus qu'une puanteur atroce avec tous ses habitants, villes et sournois, et ses églises, et sa aile de théâtre et concert, connue dans le monde entier. J'ai vu tout ça partir en fumée et brûler entièrement, me bouchant le nez, mais les yeux et les oreilles grands ouverts, et avec un incroyable plaisir perceptif, j'ai assisté à la lente et très spectaculaire combustion de l'Autriche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une petite surface nauséabonde de cendres collantes, d'abord jaunâtre, puis grisâtre, et rien de plus. Et quand il n'est plus resté du gouvernement autrichien, qui, comme vous savez, a toujours été le gouvernement le plus bête du monde, quand il n'est plus resté du clergé catholique autrichien, qui a toujours été le plus fourbe du monde, que quelques vestiges chrétiens, sociaux et catholiques et nationaux, socialistes, à peine reconnaissables au milieu de ce paysage de désolation jaunâtre, grisâtre et pestilentielle, j'ai poussé entre deux quintes de toux un grand soupir de soulagement, tellement grand que je me suis réveillé, et fort heureusement, à Rotterdam. La ville qui, pour toute une raison, une série de raisons, et celle dont je me sens le plus proche et que je préfère, comme vous savez. Quand bien même cette Autriche ridicule ne vaut plus la peine qu'on en parle depuis tant d'années, tant de décennies, je pensais qu'il était malgré tout intéressant pour vous, cher monsieur, d'apprendre qu'elle me soit, après tant d'années et de décennies, de nouveau apparue en rêve. Oh, C'était Götzömer de Thomas Bernhardt, dans la traduction de Daniel Mirsky, paru aux éditions Gallimard, avec Emmanuel Matt, Audrey Bonnet et Nicolas Maury. Et au chant, les élèves du groupe 42 de l'École du Théâtre National de Strasbourg. Équipe technique, Yvan Charby, Julien Bourdet, Tanguy Locorneau et David Anéas. Coordination de production, Jean-Christophe Perrin et Chloé Mauduit. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Alexandre Planck. Remerciements aux équipes du Musée Calvé et du Festival d'Avignon. C'était donc Götzömer de Thomas Bernhardt, enregistré au Musée Calvé. Demain, je vous propose de nous retrouver ici pour notre dernier jour en direct, mais les programmes de France Culture au Musée Calvé Avignon se poursuivent jusqu'à dimanche soir. En tout cas, demain, à midi, vous pourrez entendre encore une fois La Grande Table d'été par Maëlys Besserie. Et puis le soir, je vous invite à venir tous le soir pour Vendredi ou les Limbes du Pacifique, un texte de Michel Tournier. Une composition musicale des chansons originales de Romain Humeau du groupe Eiffel. Le texte est interprété par Denis Lavant. La réalisation est signée Alexandre Planck. C'est à 20h, donc demain soir au Musée Calvé, en direct, en public. Je vous invite à nous rejoindre tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont à Avignon, dans ce lieu magnifique avec les grands platanes dans la cour, dans cette si belle cour. Voilà, il est bientôt 21h. Je vous souhaite une bonne soirée sur France Culture à l'écoute de tous nos programmes. Bonsoir.